Donc Maïssa, c'est une étudiante de Clermont-Ferrand qui est en troisième année de fac de maths au CESO. Et il se trouve que cette année, elle a reçu, au mois de décembre, elle a reçu une invitation, une obligation à quitter le territoire français parce qu'elle a redoublé. Donc il faut savoir qu'un étudiant étranger qui redouble plus d'une fois ou qui se réoriente plus d'une fois ou qui cumule un redoublement et une réorientation se voit obligé de quitter le territoire français. Donc il y a eu toute une mobilisation autour de sa situation. Sans oublier évidemment tous les autres qui sont concernés, même si pour le moment c'est le cas le plus urgent qu'on a, la situation la plus urgente. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation et de rencontres avec le cabinet du préfet. Et le préfet a accepté qu'elle puisse passer ses examens. Donc il lui laisse une chance de se rattraper, c'est-à-dire que si elle passe ses examens de décembre et de juin et qu'elle les réussit, elle pourra continuer ses études en France. L'ennui, c'est que autant il lui a laissé cette autorisation de passer ses examens, mais pour autant, elle n'est pas non plus régularisée. Et du coup, elle se retrouve, enfin, elle est sans papier. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas le droit aux APL, ni d'autorisation de travail. Donc ça veut dire qu'elle ne peut plus payer son loyer, donc elle va se retrouver à la rue. Qu'elle ne peut plus financer ses études. Donc voilà, c'est ce qu'on dénonce là, c'est qu'on lui donne la possibilité de finir ses études, mais on ne lui donne pas les moyens pour qu'elle puisse y parvenir au final. Des droits français, immigrés, égalité. Des droits français, immigrés, égalité. Des droits français, immigrés, égalité. Des droits français. Un titre de séjour, c'est sur une période de un an, enfin d'une année. Oui, un an, c'est ça, un an. Et tous les ans, les étudiants doivent aller à la préfecture pour faire renouveler leur titre de séjour. Mais évidemment, s'ils ont redoublé plus d'une fois, ou comme j'ai dit tout à l'heure, on leur refuse le renouvellement. Les immigrés ne sont pas dangereux. Les immigrés sont en danger. Les immigrés ne sont pas dangereux. Les immigrés sont en danger. Ce qui aurait été bien, effectivement, c'est qu'on soit reçu par le préfet pour qu'on puisse discuter justement de sa régularisation et qu'il la fasse régulariser. L'ennui, c'est qu'il ne nous a pas reçus, il a refusé de nous recevoir en disant qu'il n'avait plus rien à dire sur la situation de Maïssa, qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et voilà. Donc là, s'il y a un soutien de la part des citoyens de Clermont-Ferrand, c'est plus un soutien moral et une présence lors des rassemblements. Et il y a aussi une pétition à signer sur le site de RESF63 qui va être mise en ligne là bientôt. Et sinon, sur la fac, il y a des tables qui sont tenues régulièrement avec une pétition à signer et des tracts qui sont diffusés. Le préfet n'ayant pas annulé son OQTF, Maïssa risque encore une expulsion. Restons mobilisés afin d'obtenir un titre de séjour à Maïssa, afin qu'elle puisse réellement continuer ses études en France. Pierre par terre, et mur par mur, détruisons les